Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pour procurer le salut de l'homme, il ne suffit point de remédier à son ignorance et à sa concupiscence. Il faut encore guérir la malice, la perversité de sa volonté. Pourquoi donc, ô mon divin maître, tombez-vous une troisième fois sur la route du calvaire? Hélas, vous tombez parce que trop souvent j'ai péché par malice, par un choix libre et spontané, en parfaite connaissance de cause. Vous tombez parce que je cours au-devant des occasions périlleuses pour ma vertu, que je ne veux pas m'assujettir à faire le bien, et que je cherche pour ainsi dire à affermir, à aggraver en moi l'empire des sens et l'habitude du péché. Vous tombez parce que je place volontairement ma faim dans les choses les plus illicites, n'aspirant qu'à des jouissances terrestres, parce que je repousse vos grâces et tous les moyens de salut que vous m'avez préparés, parce que je résiste à la vérité connue, que je prétends secouer tout frein afin de pécher plus librement, que je m'obstine à demeurer dans mon péché, que je me révolte contre votre sainte loi et que je la viole, non seulement de propos délibérés, mais par mépris. Ce sont tous ces dérèglements de ma volonté et de toutes les volontés humaines qui vous accablent, ô mon Sauveur, et qui sont les véritables causes de cette dernière chute, de toute la plus lourde et la plus douloureuse. Ô Jésus, en vous voyant défaillir sous la croix, ne finirai-je donc point par détester la profonde et intime corruption de ma volonté, la malice persévérante et pour ainsi dire infinie de mon cœur? Vous venez me chercher au fond de l'abîme où je périssais. Il vous a plu de me racheter, quoique mes péchés soient sans nombre et qu'ils aient dépassé toute mesure. Votre miséricorde sur moi est grande, Seigneur. Votre amour pour un misérable qui s'est fait votre ennemi est incompréhensible. Il faut que vous soyez la bonté même pour ne pas me repousser à jamais loin de vous. Et moi, comment ai-je pu ne pas vous aimer, beauté suprême, infinie perfection? Comment ai-je été assez ingrat pour abuser de votre patience, assez pervers pour me complaire dans le mal et fuir la vertu, assez ennemi de moi-même et de vous, pour renoncer sciemment et avec tant d'ingratitude à votre grâce et braver votre colère? Ô Jésus, mon Sauveur, réparez le désordre de ma volonté, changez mon cœur. Faites que désormais je ne me réjouisse plus que de votre gloire. Je ne me complaise qu'en vos perfections. Je n'aspire qu'à vous posséder, ô Dieu de mon âme. Faites-moi la grâce d'unir et de conformer ma volonté à la vôtre en toutes choses, de suivre vos saintes inspirations avec une docilité entière, d'obéir parfaitement et avec amour à vos conseils comme à vos commandements. Donnez-moi la perfection de votre amour et la vraie sagesse, la faim et la soif de la justice. Donnez-moi la perfection de votre amour et la vraie sagesse, la faim et la soif de la justice, afin qu'après avoir renoncé au péché, je m'avance chaque jour dans les voies de la sainteté. Inspirez-moi un zèle ardent pour vous faire aimer, glorifier et servir de tout mon pouvoir. Faites que je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, que je vous aime plus que toutes les créatures, plus que moi-même. Et que votre amour soit le principe, la règle et la fin de toutes mes affections. Puissé-je ne rien aimer, ne m'aimer moi-même qu'en vous, pour vous et comme vous le voulez. Puissé-je placer en vous seul toutes mes joies, ma paix, mon repos, mon bonheur. Puissé-je répondre désormais à votre amour et vous aimer, ô Jésus, comme vous m'avez aimé vous-même, faire mes délices de votre sainte présence. Et m'unir à vous par tous les élans de mon cœur, pour le temps et pour l'éternité, dire à notre Père un « Je vous salue Marie ». Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. C'est pour moi que votre Jésus est blessé et qu'il a daigné souffrir. Ah, partagez-en les peines avec moi. Mère sainte, Accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.